Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Sixième épisode, La Banque. Avec Stéphane Valency, Jean-Claude Durand, Audrey Meul, Bernard Bouillon. Un hiver gris et froid, une humidité collante et glaciale paralyse la poitrine de Joseph K., fondé de pouvoir, dans son bureau à la banque. Il est déprimé, exsangue. Dans l'antichambre, de nombreux clients attendent. Ils sollicitent tous les compétences de Joseph K. pour leurs affaires, qui sont toutes urgentes. Il ne laisse personne entrer sous prétexte qu'il est pris par un travail important. Mais il ne travaille pas. Il reste assis à sa table de travail, figé, la tête baissée. Plus le temps avance, plus son procès lui échappe. Cette pensée le hante. Des mois et des mois se sont écoulés depuis le printemps de son arrestation, jour de son 30e anniversaire. Je ne puis vous dire si vous êtes accusé. Vous êtes arrêté, ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas plus. Mais son affaire ne semble pas avancer. Même si son procès dure déjà depuis quelques mois, la première requête n'a pas encore été transmise. Ce n'est donc que le début, selon l'avocat Huld. Le but est de rendre l'accusé passif et sans défense, Joseph, pour tout d'un coup le surprendre avec le verdict. Chaque fois que Cass se rend chez Maître Huld, l'avocat se perd dans des anecdotes de procès passés. Il évoque des progrès dans son affaire sans jamais en préciser la nature. J'ai déjà gagné pas mal de procès similaires, Joseph. Des procès pas aussi difficiles que le vôtre, mais quand même plus désespérants. Tous ces dossiers sont dans mon bureau, mais vous ne pouvez pas les voir. Secret professionnel. Vous allez profiter de toute l'expérience que j'ai acquise durant tous ces procès. Mais l'avocat ne pose pas de questions, même s'il y en a beaucoup à poser. C'est K qui pose les questions. L'avocat raconte ses histoires, ou reste en face derrière son immense bureau sans rien dire, tirant sur sa barbe et regardant le tapis à l'endroit exact des entretiens entre K et l'infirmière Lenny. Tiens, les clés de la maison. Viens quand tu veux. Comment ça? Tu m'as échangé. Maintenant tu es à moi. K a le sentiment que l'avocat Huld ne peut plus rien pour lui. Au contraire, Joseph. La rédaction de la première requête est presque terminée. Celle-ci est très importante car la première impression peut déterminer toute la suite du procès. Si la requête est lue, bien entendu. Comment ça, si elle est lue? Oui, il arrive que ces premières requêtes soient ignorées, qu'elles disparaissent. On les joint au dossier tout en faisant savoir que les auditions de l'accusé sont plus valables en première instance que des documents écrits. On ne peut être sûr de rien, les dossiers du tribunal étant inaccessibles à l'accusé et à sa défense. Inaccessible? Cela vous étonne? Pourtant, la défense de l'accusé n'est pas autorisée, mais simplement tolérée. Et les avocats ne sont pas reconnus officiellement. Ceux qui se présentent devant le tribunal en tant qu'avocats sont en effet des escrocs. Ce n'est pas possible. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil à la salle des avocats du tribunal. Nous sommes méprisés. L'entrée de cette salle est semblable à un trou à rats, basse, étroite. Pour y accéder, il faut ramper et se tordre. Une fois dans la pièce, gare au plancher. Il y a un trou, pas assez grand pour tomber dedans tout entier, mais suffisant pour y enfoncer une jambe. Dans la salle d'attente du dessous, il n'est pas rare pour un accusé de voir pendre la jambe de son avocat au plafond. Tout ceci n'est pas bien grave. Cette façon de mépriser les avocats a une certaine logique, écarter la défense au maximum et faire porter le procès uniquement sur les épaules de l'accusé. Écarter la défense au maximum et faire porter le procès uniquement sur les épaules de l'accusé. Mais alors les avocats sont inutiles. Au contraire! Les avocats sont plus nécessaires que jamais. Et pourquoi? Parce que le procès est aussi secret pour l'accusé. Vous voulez dire que je n'ai pas droit de regard sur mes dossiers? Aucun. En plus, il est très difficile de savoir sur quels documents les interrogatoires sont basés, surtout pour l'accusé. Alors, si je ne peux pas savoir à partir de quels documents je suis accusé, et mon avocat non plus, il n'y a pas d'issue? Bien sûr que si. Mais avec quels moyens? Les relations personnelles de l'avocat. Vous voulez dire? J'apporte le thé. Alors, d'après vous... Chut. Jamais pendant son thé. Lenny se tient silencieusement derrière K, pendant qu'elle sourit à l'avocat en train de boire son thé. Elle laisse K prendre sa main et lui caresse les cheveux avec l'autre en cachette. Toujours là, Lenny? J'attends pour desservir. Desservir? L'avocat veut-il le rassurer ou le démolir? K ne sait plus. Mais ce dont il est convaincu maintenant, c'est que sa défense n'est pas entre de bonnes mains. Maître Huld a-t-il jamais traité une affaire aussi importante que la sienne? K aurait mieux fait de s'occuper lui-même de son procès. Donc, vous-même, vous avez remarqué qu'à un certain niveau du tribunal, il y a des employés corrompus. C'est à ce point que certains avocats se livrent aussi à la corruption, graissent des pattes. Il y a même eu récemment des vols de dossiers. Des vols? De dossiers. C'est pour cela que seules les relations personnelles honnêtes avec les fonctionnaires peuvent influencer le cours du procès. Et les fonctionnaires de haut rang? Oui, bien sûr, les fonctionnaires de haut rang. Très bien. De bas étage. Et vous avez fait le bon choix, Joseph. Aucun avocat n'a des influences comme les miennes. Vous avez pu constater par vous-même, comme les gens du tribunal me rendent visite ici chez moi, me livrant tous les renseignements que je souhaite sur mes clients. Monsieur le directeur du greffe, Joseph K, fondé de pouvoir. La visite de monsieur le directeur du greffe est un honneur. Monsieur est tellement débordé de travail. Je ne peux pas rester trop longtemps. Les affaires m'appellent, mais je suis heureux de faire la connaissance de ce monsieur, l'ami de mon ami. Donc, on n'a même pas besoin de se rendre au tribunal. Vous voulez me dire que ces fonctionnaires se rendent chez vous uniquement pour nous aider? Nous, les accusés? Ils ne viennent pas seulement pour mes clients, mais aussi tous ces fonctionnaires manquent de contact avec le peuple. Ils sont affamés de rapports humains. Ils sont prisonniers, jour et nuit, de leurs propres lois. Ils ne savent plus rien de la vie. Alors, ils viennent me demander conseil. Donc, ce sont les fonctionnaires qui sont méprisés? Vous ne savez pas tout encore. On raconte une histoire qui a toutes les chances d'être vraie. Un vieux fonctionnaire grincheux, concentré depuis plus de 24 heures sur une affaire difficile, comme la vôtre, sort de son bureau et trouve dans le couloir une cohorte d'avocats en quête de renseignements. Il attrape le premier sur son passage qui le gêne et le jette comme un paquet de linge sale dans l'escalier. Puis le deuxième, puis le troisième, etc. Les avocats ainsi maltraités décident de réagir et d'épuiser l'odieux fonctionnaire. Une chaîne infernale s'organise. Un avocat monte les escaliers en courant. Le fonctionnaire ne l'a pas encore jeté qu'un autre arrive derrière et ainsi de suite jusqu'à la capitulation du vieillard. Mais les avocats, malgré une telle victoire, ne cherchent pas à améliorer le fonctionnement du tribunal. Je trouve... Vous trouvez quoi? Que les choses avancent. Très bien. Vous trouvez que les choses avancent. Pas assez rapidement. Tous les accusés veulent faire avancer leur procès. Vous perdez votre temps et vos forces. Il faut comprendre que notre grande organisation judiciaire reste pour toujours en suspens. Notre grande organisation judiciaire reste pour toujours en suspens. Si vous entreprenez quelque chose vous-même, vous creusez le sol sous vos propres pieds et vous tombez. Restez discret, Joseph. Surtout n'attirez pas l'attention sur vous. Votre attitude envers le directeur du greffe vous a porté préjudice. Ce vieil homme, comme beaucoup de fonctionnaires, est comme un enfant. Des choses soi-disant innocentes, et votre attitude envers le directeur du greffe ne l'est pas, peuvent les blesser. Au point qu'ils se retournent contre les vieux amis comme moi, et même travaillent contre nous. Le directeur du greffe ne veut plus entendre parler de vous, ni de votre procès. Vous avez besoin de moi pour regagner sa confiance. Il vaut mieux laisser votre avocat faire son travail. Non. K doit se débarrasser au plus tôt de l'avocat Hulde. Une fois engagé avec votre avocat, c'est un bail à vie. K n'a pas le choix, ni d'admettre, ni de nier son procès. Il est en plein dedans. Il doit se battre et combattre, surtout contre tout relent de culpabilité. Pourtant, un jour arrive où l'accusé et l'avocat sont dans l'impossibilité de communiquer. Ça leur est formellement interdit. De plus, le tribunal renvoie toutes les requêtes comme de la vulgaire paperasse. Tout ceci ne signifie pas forcément que le procès soit perdu, non pas. Mais désormais, plus rien ne transpirera jamais. Heureusement, ce genre de cas est exceptionnel. Et même si votre cas en est un, il est pour le moment loin d'en être à ce stade. Il y a encore, pour le moment, je répète, la place pour un travail d'avocat. Une fois l'avocat évincé, K déposerait une nouvelle requête chaque jour. Sans relâche, il insisterait pour qu'elle soit prise en considération par le tribunal. Il ne va pas simplement s'asseoir dans le couloir triste du tribunal, comme les autres accusés. J'ai déposé plusieurs requêtes, et j'attends. Vous semblez vous donner beaucoup de peine. Bien sûr, mon procès m'appartient. Tout le monde ne pense pas comme vous. Moi aussi, je suis accusé, et je n'ai rien déposé du tout. Il faut tout organiser, tout contrôler. Chaque jour, il va venir harceler les fonctionnaires. Il va... Votre procès ne fait que commencer, Joseph. Vous avez encore des démarches, des préliminaires à faire auprès de fonctionnaires compétents. Et pour cela, vous avez besoin de moi. Il va envoyer des femmes provoquer les fonctionnaires. Pour une fois, le tribunal sera devant un accusé qui sait se défendre. Le mépris qu'il a manifesté jusque-là vis-à-vis du procès ne convient plus. Il n'a plus le choix de refuser ou d'accepter son procès. Il est en plein dedans. Il faut se défendre, mais il est fatigué. C'est bien inquiétant. Il ne faut pas trop m'inquiéter. Regarde-moi. En très peu de temps, je suis arrivé à ce poste important à la banque et je m'y maintiens. Maintenant, il faudra que j'utilise les mêmes compétences pour mon procès. Et c'est maintenant que j'aurai besoin de toutes mes forces mentales pour mon travail à la banque, où je peux encore gravir des échelons, passer la vitesse supérieure, où j'aimerais bien profiter de ma jeunesse durant les soirées et les nuits déjà si courtes, que je dois tâcher de faire la rédaction de ma requête. Oui ? Monsieur de Fondé de Pouvoir. Un client très important de la banque. Un fabricant. Pourquoi vient-il à un moment inopportun où K doit consacrer toute sa force aux affaires personnelles ? Entrez, entrez, monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas pu vous recevoir plus tôt. J'ai eu une affaire urgente à régler et... Monsieur de Fondé de Pouvoir, vous souffrez sûrement à cause de cet hiver pourri. Vous semblez bien déprimé. Oui, mal à la tête. Soucis familiaux. Monsieur le Fondé de Pouvoir, j'ai une communication importante à vous faire. Je n'ai pas envie de vous déranger avec cela juste aujourd'hui, en plein mal de tête. Mais j'ai déjà oublié de vous en parler lors de nos deux dernières entrevues. Je pourrais repousser une fois de plus, monsieur le Fondé de Pouvoir, si vous le voulez. Mais ce serait fort dommage, car ce que j'ai à vous communiquer ne me semble pas du tout dénué d'importance. Vous avez bien un procès, pas vrai ? C'est le directeur général de la banque qui vous a raconté cela ? Mais non, monsieur le fondé de pouvoir. Comment le directeur général le saurait-il ? Et vous, comment l'avez-vous appris ? Moi, j'apprends des choses par-ci, par-là, au tribunal. Et c'est justement grâce à ces sources que j'ai quelque chose aujourd'hui à vous communiquer, monsieur le fondé de pouvoir. Il me semble qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont un rapport avec ce tribunal. Ce que j'ai à vous communiquer n'est sans doute pas grand-chose. Mais avec un procès comme le vôtre, il ne faut rien négliger, n'est-ce pas ? De plus, j'ai envie de vous aider. Après tout, jusque-là, nous nous sommes bien entendus sur le plan des affaires. N'est-ce pas, monsieur le fondé de pouvoir ? Oui, mais... J'ai entendu parler de votre procès par le peintre Titorelli. Titorelli ? C'est son nom d'artiste. Personne ne connaît son vrai nom. Depuis des années, il vient me voir au bureau en mendiant pour me vendre ses tableaux. De jolis paysages. Et je lui fais la charité. Je me suis souvent demandé comment il arrivait à vivre de sa peinture, jusqu'au jour où il m'a avoué qu'il vivait des portraits qu'il faisait pour le tribunal. Pour le tribunal ? Titorelli peut vous être utile, monsieur le fondé de pouvoir. Il connaît des juges et peut vous conseiller sur la façon d'empaumer les fonctionnaires influents. Un mot de ma part et il le fera pour vous. Je n'ai, bien sûr, pas de crainte pour votre procès, mais je pense que vous devriez y aller. Allez voir Titorelli. Pas aujourd'hui, mais non. À l'occasion. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'y aller, simplement parce que je vous conseille de le faire. Non, si vous croyez pouvoir vous passer de Titorelli, tant mieux, laissez tomber. Peut-être que vous avez déjà une autre stratégie. Stratégie que Titorelli pourrait déranger. Non, dans ce cas, n'y allez surtout pas. Surtout pas, monsieur le fondé de pouvoir. Il faut se méfier avant d'accepter les conseils d'une telle personne. Je vous comprends bien. Laissez tomber, s'il vous convient. Voici l'adresse. J'y vais. Ou bien je vais lui écrire pour lui demander de venir ici. Surtout pas, monsieur le fondé de pouvoir. Il ne faut pas inviter des gens comme Titorelli à la banque pour parler de votre procès. Ou bien laisser les lettres entre les mains d'un type pareil. K se rend donc chez le peintre, qui a, dit-on, une certaine influence auprès du tribunal. Rien ne doit le freiner maintenant qu'il veut se défendre tout seul. Il faut essayer toutes les voies, suivre toutes les pistes, surtout ne pas s'arrêter en chemin, prendre toute la nuit s'il le faut pour écrire sa requête, affronter le tribunal avec tous ses dangers. Dès cette minute, c'est le procès, rien que le procès. Mais pendant qu'il court chez ce peintre inconnu avec un espoir indéfini, sa réputation à la banque va essuyer un sérieux revers. Il devait s'occuper des clients qu'il attendait depuis des heures aujourd'hui. Mais il n'a plus la tête à ça. Maintenant qu'il assume sa propre défense, il n'y a que le procès qui compte. Procès dont la durée est inconnue. Un obstacle jeté au milieu de sa carrière. Travailler à la banque pendant que des fonctionnaires traitent les pièces de mon dossier. Ce serait de la torture. Et qui à la banque tiendrait compte de ma situation pour apprécier mon travail ? Personne ? Personne ? La décision de prendre sa propre défense est bien lourde de conséquences. Quand elle était aux mains de l'avocat, K regardait tout cela de loin. Mais maintenant, il doit se consacrer totalement au tribunal pour tenter d'aboutir à sa libération définitive. Et pour y arriver, il faut courir de grands dangers. Que va-t-il lui arriver ? Qu'est-ce qui l'attend ? Va-t-il trouver le chemin qui va le mener vers une fin heureuse ? C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain-Meyrowitz. 6e épisode, La banque. Avec Stéphane Valinci, K. Jean-Claude Durand, l'avocat Hult. Audrey Meul, Lenny. Bernard Bouillon, le fabricant. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff.